Portrait d'assaut sur Fadjet. Tout ce qui est humain est nôtre, c'est par ces mots que le site du Secours Populaire nous accueille. C'est aussi une devise toujours en vigueur après quelques années, bientôt 80 ans. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Philippe Gélin. Bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue. Merci. Quel est votre rôle, vous, au Secours Populaire français ? Au Secours Populaire, on est une association de loi 1901, mais il n'y a pas de président, il y a un secrétaire général. Je suis secrétaire général maintenant depuis 6 ans de la Fédération de la Meurthe-et-Moselle. Et mon rôle, c'est d'animer, de coordonner tous les bénévoles, puisqu'en fait, on est avant tout une association d'aide humanitaire faite de bénévoles qui ont un seul but, c'est pratiquer la solidarité. C'est une adresse à Nancy, c'est le 100 avenue du Général Leclerc, mais c'est aussi de nombreux lieux de rencontres un peu partout sur le département. Tout à fait, on a à peu près 13 structures qui vont Mont-Saint-Martin, Jarny et Pienne pour le PIO, et puis plus on descend sur la métropole, donc on a Pompey, Custine, Neuve-Maisons, Lunéville, Toul, Vézelise et Nancy bien sûr. La genèse du Secours Populaire français, j'ai commencé avec cette devise « Tout ce qui est humain est nôtre », ça date de 1938. C'est oui. Ça. Et alors ça s'appelait autrement avant, oui, et ça s'appelle le Secours Populaire français depuis 1945, oui. D'où les 80 ans l'année prochaine. Voilà, donc on en reparlera tout à l'heure de cette grosse actualité. Mais déjà, le quotidien du Secours Populaire français en Meurthe-et-Moselle, les différentes actions. Alors, nous, notre objectif, c'est d'apporter la solidarité, de faire en sorte que les gens qui sont en difficulté sortent de cette difficulté. Donc, à la fois grâce à nous, parce que nous, on est bénévoles, on est là pour les aider, mais aussi grâce à eux. L'objectif, c'est pas d'assister les gens, c'est de faire en sorte qu'ils prennent, de les mettre en mouvement, on va dire, pour qu'ils prennent conscience de tout ça et qu'ils sortent et qu'ils nous aident à sortir de la précarité. Alors, la principale chose pour laquelle les gens viennent nous voir, c'est ils ont faim. Donc, ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'aide alimentaire. C'est la première chose, mais autour de cet accueil que l'on fait avec les personnes qui viennent nous voir, quel que soit le lieu, on va discuter avec eux, essayer de comprendre un petit peu quelles sont leurs difficultés, parce que derrière la faim se cachent d'autres choses. Il peut y avoir des gosses en difficulté scolaire, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir des problèmes de langue, il peut y avoir tout un tas de choses. Donc on va pratiquer ce qu'on appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire en fait, avec eux, découvrir un petit peu ce dont ils ont besoin et les aider à acquérir cette éducation qui va leur permettre de s'ouvrir et de s'ouvrir aux autres et de profiter de la vie comme tout un chacun. Quoi. Donc cet accompagnement, il est suivi, porté par de nombreux bénévoles avec des rôles différents. Vous êtes secrétaire général depuis 6 ans, vous l'avez dit, c'est ça. Comment vous avez connu ce Secours Populaire français ? Alors j'ai eu une activité professionnelle très dense et donc mais j'ai toujours eu une fibre sociale de par mes parents qui m'ont enseigné tout ça et j'avais envie à la fin de ma vie active, alors je faisais déjà partie d'une ONG malgache, je suis à Madagascar, voilà, aider ailleurs, mais j'avais aussi envie d'aider en France sur le territoire et en tout cas les valeurs du Secours qui pratique la solidarité, c'est mes valeurs aussi, donc je suis venu naturellement au Secours Populaire rapidement et pour faire de l'aide quoi, donc au début j'étais chauffeur manute je débarrassais les chariots etc, et puis on m'a proposé de devenir secrétaire général il y a 6 ans, donc voilà, donc c'est vraiment une passion en fait, je suis vraiment j'y passe beaucoup de temps mais avec plaisir, mais sans aussi contredire ma vie privée puisque j'ai une compagne et on fait aussi pas mal de choses ensemble, ça tourne autour de la solidarité, tout ça. Voilà, ça prend quand même pas mal de temps, j'imagine. C'est du bénévolat très actif. Voilà, tout à fait. Mais je suis pas tout seul, c'est ça qui est justement bien au Secours Populaire, c'est collectif. On est avant tout une force collective, on est plus de 90 000 bénévoles sur le territoire français, on est plus de 900 sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle. Donc c'est une force importante et collective pour pratiquer la solidarité. Et pour assurer donc cet accompagnement et les différents services aussi que vous proposez, vous avez depuis peu même une bouquinerie solidaire qui s'est ouverte à Neuve-Maisons, il y en a une aussi sur Nancy aussi. Oui, tout à fait, au 100 avenue du Général Leclerc, oui. Voilà, ça c'est porté aussi par des bénévoles. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'objectif, l'éducation populaire, c'est tout. Déjà, c'est l'accès aux droits. a tous les droits. Donc droit à manger, à bien manger, à se vêtir, à avoir à la santé, à l'éducation, mais aussi aux vacances, à la culture. C'est important de s'ouvrir à la culture pour pouvoir ne serait-ce que contredire un peu ce qu'on nous dit tous les jours, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Mais c'est important de s'ouvrir pour pouvoir avoir un avis et discuter, et en tout cas à travers les livres, à travers la culture en général, mais aussi à travers les vacances. Les enfants qui sont privés de vacances, il n'y a rien de plus triste, alors que nous, on leur permet d'aller en colonie, par exemple, ou faire des stages, ou faire des séjours copains du monde. Pourquoi c'est ça? C'est parce qu'on vit en communauté, en société, et grâce à ça, on apprend de l'autre et on s'ouvre aux autres. C'est ça qui est essentiel. Voilà, on va y revenir sur cette question des vacances, parce qu'on est en pleine période de préparation et d'appel. Parmi les temps forts aussi qui peuvent se vivre au sein du Secours Populaire sur une année, il y a différents rendez-vous qui sont attendus. Il y a 5 campagnes, on va dire, au national que l'on suit, plus après des particularités que chaque fédération peut mener, parce que nous sommes complètement décentralisés. C'est une association décentralisée. C'est-à-dire qu'on est nous-mêmes, Fédération de Meurthe-et-Moselle, une association de loi 1901. On rend des comptes, bien sûr, à l'association nationale, mais on est quand même, alors on suit les valeurs du Secours, bien sûr, mais on a notre propre identité. Et donc, les 5 campagnes, c'est la première, c'est un don action, donc c'est une loterie, on va dire, qui permet de rentrer des sous, parce que pour pratiquer la solidarité, il faut des sous, on a besoin de sous. La deuxième, c'est l'international, parce que la solidarité, elle se pratique ici, sur notre territoire, ici à Nancy, mais aussi en Europe et dans le monde. Ça, c'est important quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, la guerre en Ukraine, la guerre sur les territoires occupés en Palestine, tout ça, c'est aussi la force du Secours Populaire d'avoir des centaines de partenaires dans une centaine de pays à peu près pour pratiquer la solidarité là-bas. Ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est les vacances, parce que c'est un droit. Les vacances aujourd'hui, c'est un droit. Et aujourd'hui, il y a un enfant sur trois qui ne part pas en vacances. Et ça, aujourd'hui, au 21e siècle, en France, c'est intolérable, parce que les vacances, c'est avant tout un partage, c'est aussi une ouverture, comme je disais tout à l'heure. La quatrième, c'est tout ce qui touche à la pauvreté, précarité. Ça, c'est plutôt en septembre, donc on fait des actions autour de ça. Et la dernière, c'est les Pères Noël verts. Les Pères Noël verts, c'est le Père Noël qui va là où le Père Noël normal ne peut pas aller, parce que les gens n'ont pas les moyens d'offrir quoi que ce soit à leurs enfants. Le Secours Populaire existe depuis bien longtemps, bientôt 80 ans. Vous êtes investi dans ce mouvement depuis quelques années. Vous voyez une évolution dans la manière d'accueillir les personnes qui viennent vous voir? Alors, déjà, premièrement, ce qu'on voit, c'est depuis le Covid, depuis 2019, depuis 5 ans maintenant, une forte augmentation du nombre de personnes qui viennent nous voir. Ça, on est sur la Meurthe-et-Moselle, on était à peu près à 8000 personnes en 2019 sur l'ensemble d'une année. Bon, ils viennent pas nous voir tous les mois, tout le monde, mais on avait reçu 8000 personnes différentes. Aujourd'hui, en 2023, on était à 13000 personnes. Donc, ce qui veut dire, c'est une augmentation de plus de 50%. Sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle, mais bon, je fais partie du bureau national et on discute avec les amis, c'est partout pareil. Donc on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans la précarité et qui tombent dans la précarité. Et c'est pas uniquement les vagues de migrants, etc. Ça, bien sûr, il y en a, mais il y a aussi des gens en France, qui travaillaient, qui ont eu aussi, il y a des tas d'entreprises qui ont eu des subventions au moment du Covid, mais maintenant, aujourd'hui, il faut les rembourser, c'est compliqué, il y a plein de boîtes qui ferment, il y a des gens qui se retrouvent au chômage et en difficulté. Donc voilà, donc la façon d'accueillir, elle est toujours la même au Secours, c'est l'écoute, le partage, mais il y a beaucoup, beaucoup de monde en plus qui vient nous voir aujourd'hui. Et vous avez besoin de bénévoles, j'imagine, pour pouvoir assurer ce rôle d'accueil, d'accompagnement. Comment on fait aujourd'hui? Et vous cherchez des profils particuliers, peut-être? Alors, en ce moment, on cherche un trésorier. Donc, ça, c'est pas un trésorier. Trouver, c'est pas ça. Un comptable, parce qu'un comptable, on en a un. C'est un trésorier. C'est-à-dire quelqu'un, parce que notre trésorier actuel, on en a un, mais il voudrait passer un tout petit peu la main, pas complètement, mais un petit peu. Et donc, on comprend, parce que voilà, c'est sa vie à lui. Donc, on cherche un trésorier. Donc, un trésorier, c'est quelqu'un qui est garant des comptes, qui est un bénévole aussi, qui est pas forcément comptable. Donc, c'est important, parce que voilà, c'est pas forcément aller écrire les chiffres dans la comptabilité. Non. C'est aussi partager. Dire où on va, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de finances, est-ce qu'on a assez de sous pour faire telle et telle action, est-ce qu'on a assez de sous pour envoyer des gosses en vacances, enfin, etc. Ou alors il est temps de faire des collectes parce qu'il faut qu'on ramasse un petit peu d'alimentation ou de vêtements ou d'argent. Voilà, c'est ça. Et puis sinon, on cherche des bénévoles. Peu importe, c'est-à-dire que toute personne qui a envie de pratiquer la solidarité est la bienvenue. Et toute personne qui a des idées, qui a une idée, eh ben, elle peut venir au Secours Populaire et la partager, et faire en sorte. Et derrière, c'est le fait qu'il y ait de nouveaux bénévoles que cette action sera mise en œuvre. Donc, bien sûr, on cherche des bénévoles en permanence. Et on peut toujours commencer par de simples rôles d'accueil, par exemple, et bien puis sûr, évoluer au fur et à mesure. Quel est le rôle, qui est un des rôles les plus difficiles. C'est parce vrai. Que, oui, parce que il faut savoir écouter les gens. Il faut savoir essayer de comprendre leurs difficultés, parce que c'est difficile pour les gens de franchir la porte d'une association d'aide humanitaire, quelle qu'elle soit, et au Secours Populaire pareil. Et donc arriver à se confier, arriver à trouver la personne en face avec qui on va pouvoir se libérer et dire tous les problèmes qu'on a, c'est pas facile. Donc l'accueil, c'est pas le poste le plus facile, mais on en a besoin. On a besoin de gens, et il y a des tas de gens, des tas de bénévoles qui font ça super bien. Et voilà. Mais sinon, on a besoin de tous les profils possibles, chauffeurs manut, des personnes qui vont aider faire des après-midi récréatifs avec les enfants, par exemple, oui. Copains du monde. Voilà, on cherche tous les types de profils inimaginables. Et une formation interne aussi, comme oui. Vous disiez, l'accueil, c'est pas facile, mais oui. Il y a des conseils, il y a des gens qui oui. Sont depuis quelques années. On a un institut de formation nationale avec des formateurs bénévoles qui pratiquent ces formation, on a une dizaine de formations possibles au sein du Secours Populaire, tout à fait. On va revenir maintenant sur quelques actions et notamment sur celle des vacances qui approchent et vous permettez donc à des enfants d'avoir des vacances à peu près normales, en tout cas de vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues jusqu'à maintenant. Voilà. Comment ça se passe ça ? Alors, on a plusieurs possibilités de vacances, on a les colonies, donc les colonies c'est en partenariat avec d'autres associations, je vais citer les Franca, oui. Je vais citer la SNCF, je vais citer le CCAS, qui sont les œuvres de sociales des métiers de l'énergie. Et puis aussi, donc ça c'est pour les colonies, on organise aussi ce qu'on appelle des séjours copains du monde, c'est-à-dire que pratiquer la solidarité dès l'âge de 12 ans, monter des actions de solidarité entre gamins et gamines. Donc là, cette année, on est en train de monter un séjour avec les foyers ruraux de Meurthe-et-Moselle. Mmh. Donc un séjour qui se passerait au mois d'août pour une vingtaine d'enfants, dont 10 enfants du Secours Populaire. Voilà, un séjour basé aussi sur la solidarité, mais c'est aussi la pratique d'ateliers, théâtre, cinéma, jardinage, enfin tout ce qu'on peut, voilà, tout ce qui permet d'être ensemble et de pratiquer la solidarité, et d'être ensemble, quoi, c'est ça, et progresser ensemble. Ensuite, on a aussi les familles de vacances. Donc il y a des gens qui sont bénévoles et qui acceptent de prendre chez eux pendant une semaine ou deux des enfants accueillis par le Secours Populaire, d'autres familles, et donc ils vont les accueillir. Par exemple, cette année on a une famille qui dans le Pays Haut qui sont cultivateurs et qui sont prêts à accueillir un gamin pendant une semaine. Rien de plus chouette que de découvrir la ferme avec les animaux, avec il y a deux enfants sur place, voilà, c'est super quoi. Et puis il y a d'autres familles de vacances aussi, donc alors ils peuvent très bien les accueillir chez eux ou les accueillir chez eux et partir en vacances ou ailleurs, à la mer, à la montagne, peu importe. Voilà. Voilà toutes ces possibilités. L'année dernière, une soixantaine d'enfants sur la Meurthe-et-Moselle sont partis grâce à l'ensemble de ces possibilités. Voilà, c'est déjà bien, mais ça peut être mieux, j'imagine. Peut-être que vous cherchez encore des familles aujourd'hui ? Bien sûr, on cherche toujours des familles parce que c'est. Alors, il y a tout un critère à suivre, bien sûr, c'est normal. Quand bien on accueille des enfants, faut avoir un casier judiciaire vierge, il y a des enquêtes de moralité, c'est tout à fait logique. Donc il fait un certain temps à passer tout ça, mais la difficulté aujourd'hui qu'on a aussi, c'est les parents qui ont du mal à lâcher leurs enfants, quoi. Voilà. Moi je me souviens quand j'étais jeune, j'allais en colo, j'étais le pied, quoi, parce que franchement les colos c'est formidable. Mais là on sent mais une fois qu'ils y ont été une fois, ils ont envie d'y retourner l'année d'après. Donc c'est ça qui est bien, quoi. Donc oui, on cherche bien sûr toujours des possibilités de familles de vacances. Oui. Voilà, il suffit de vous contacter. Le numéro est sur le site internet ou sur la page Facebook. Vous êtes facile à trouver. Voilà. On mettra de façon les coordonnées sur le site également. C'est une année olympique et je crois que pour les Jeux Olympiques aussi, là, au niveau de la région Grand Est, il y a quelque chose. On organise un séjour. L'ensemble des 10 départements de la région Grand Est du Secours Populaire. Donc un séjour de 20 enfants, donc 15 enfants de la région Grand Est, plus 5 enfants venant pour la plupart, enfin 5 enfants venant de Moldavie et d'Ukraine. Enfin, c'est des Ukrainiens qui sont hébergés en Moldavie, qui ont fui leur pays à cause des événements. Et donc pendant 10 jours, les gamins-là vont faire un séjour dans une auberge jeunesse à Mulhouse et vont pratiquer le sport. Ça va être le thème autour des sports, des JO, des Jeux Olympiques, et vont assister à un événement des Jeux Olympiques à Lyon, ce coup-là, donc on les emmènera là-bas pour voir un match de foot à Lyon dans le cadre des Jeux Olympiques. Voilà, déjà de belles initiatives, de beaux projets, et les 80 ans, alors ça c'est 2025, ouais. Vous y pensez j'imagine, et il y a pas mal de choses qui vont s'organiser. Voilà, on souhaiterait marquer cet événement par exemple un partenariat avec le NJP ou d'autres partenaires possibles, mais ça serait sympa de pouvoir, dans le terme voilà, de l'éducation populaire aussi, ouverture à la culture et permettre à des jeunes ou des moins jeunes d'aller au NJP, donc on est en train de discuter avec le NJP aujourd'hui pour voir. Mais après, voilà, d'autres événements, donc à charge aux amis, aux bénévoles du Secours, d'imaginer un certain nombre d'événements en 2025 pour les 80 ans du Secours Populaire. Donc qu'on soit un futur bénévole, qu'on soit un futur partenaire, qu'on veuille s'investir, une famille d'accueil aussi pour les vacances, il y a un numéro de téléphone, je peux le donner, c'est 03 83 51 78 26. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Philippe Gillien, puis au Secours Populaire? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est... On sait que c'est difficile de sortir de la précarité, quoi. Mais il faut en France 5-6 générations. C'est incroyable, quoi. Alors que dans d'autres pays, il faut 2-3. Donc ne serait-ce que ça, quoi. Ne serait-ce que qu'on permette plus rapidement aux familles en difficulté de sortir de cette précarité, quoi. En venant nous rejoindre, parce qu'on a plein de bénévoles qui sont aussi des personnes accueillies. Ça permet aussi la sociabilisation et de sortir de la précarité. Voilà, on peut venir sans jugement. Tout ce qui est humain est nôtre et l'accueil est inconditionnel. Merci quelle que beaucoup. Soit sa race, sa religion, sa couleur de peau, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Philippe Gillien, secrétaire général du Secours Populaire de Meurthe-et-Moselle. Retrouvez cet entretien en écoute sur notre site www.fadjet.net et sur Spotify, le podcast Portrait d'Assaut. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.